en faire une chanson facile, facile. Faut d'abord les paroles débiles, débiles. Une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Bien sûr que c'est vraiment facile, facile. C'est même complètement débile, débile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête. C'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et puis on saute ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre lui et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre lui et les aromates. Et puis, pour respirer un petit peu, on s'écarte en se tenant la main. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la la la en chantant mon refrain. Et en sautant tous ensemble, on va chanter la chanson des sardines. Et allez! Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines.